les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Les mots venus du ciel, un chant doux, un chant merveilleux, merveilleux. Tous les anges en harmonie, célèbre ton nom, ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers, ton éclat et ta splendeur. Sont incomparables. Saint, éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de l'agneau, assis sur le trône, l'agneau, qui règne. Jésus.